Chapitre 223. L'ordre de préserver son jeûne des mauvaises paroles ou des mauvaises actions, telles que la dispute. 1240. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui jeûne doit s'abstenir d'être grossier et de vociférer. Et si quelqu'un l'insulte ou lui cherche querelle, qu'il dise « Je jeûne ». » Al-Bukhari et Muslim. 1241. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui ne s'abstient pas de ce qui est illicite dans ses paroles et ses actes, Allah n'a que faire de son abstinence de nourriture et de boisson. » Al-Bukhari